Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient feuilleton. Cette semaine, 100 ans après la Révolution russe, héritée de 1917, une série de Marie Chartron réalisée par Julie Béressy. Au départ de cette série, il y a pour commencer ce qui semble soudain insupportable au point de prendre les armes et risquer sa peau. Il y a les espoirs, les tables que l'on renverse, l'euphorie et la violence. Il y a un ordre établi qui s'effondre et qui se croyait éternel. Et il y a bien sûr ce que l'on sait, les errements, les espoirs déçus, la surveillance, le totalitarisme et la mort dans les camps. Et il y a enfin l'exil, les séparations, les destins bouleversés, les familles éparpillées, les voyages, les échanges, la nostalgie, l'avenir radieux et les photos que l'on garde serrées au fond de vieilles boîtes. Et il y a aussi toutes ces traces dans la ville. Alors pour commencer, les personnages. Un historien gelé, le petit-fils du secrétaire particulier d'Inès Armand, la compagne de Lénine, un anthropologue au téléphone, un commissaire du peuple, des descendants, des gens qui avaient l'habitude de se taire, des révolutionnaires et des Russes blancs. Ensuite, le décor. De vieux immeubles communautaires, des rues dont le nom a changé, l'ombre de Staline et Lénine, une cuisine accueillante, un vieux tourne-disque, un sarcophage dans la pénombre, des flocons, la peur, l'espoir, la répression, le métro et tout de même la place rouge. Aujourd'hui, deuxième épisode, on est à Moscou et les haut-parleurs crachotent. У нас, да, есть такое место. Есть такое место, это на Ленинском проспекте. Я с этого двора, например, у конца улицы Ленина и улицы Пилюгин, près de l'ambassade d'Allemagne. Autrefois, à l'époque soviétique, il y avait une sorte de stèle en métal qui portait le blason de l'Union soviétique et le mot paix. C'était inscrit dans ma mémoire visuelle. Et récemment, je suis passé devant et j'ai senti que quelque chose était absent et me manquait dans l'espace urbain et j'ai réalisé qu'on l'avait enlevé. Bâtir, nommer, façonner les traces de 1917. À Moscou, 100 ans après la Révolution. Marie Chartron, Julie Béressy. En 1918, Lénine signe un décret pour ordonner la construction de ces tours. C'est la première tour radio construite dans notre pays. Elle a été construite de 1920 à 1922, dans la pleine période de la guerre civile. Grâce à la radio, les bolcheviks pensaient atteindre les coins les plus éloignés de la Russie, mais aussi de l'étranger, pour apporter leurs idées. Et donc cette tour est devenue le symbole et le vestige de ces idées utopiques. Улица Моросей, бульвар du Monde, станция метро, баррикад, красные ворота, гар de Kiev, Гагаринский переулок, Шаклёв, Казанский вокзал, station Octobre, Ленинградский вокзал, парк de la Victoire, улица Земляной вал, гар de Белоруссии, Чистопрудный бульвар, station Маяковский. This... Улица Липса, Будогов, Годов, Реща. Через железных коней с окон бегущих домов прыгнули первые кубы. Лебеди шей колокольни, гнитесь в селках проводов. В небе жирафий рисунок готов. En mars 1918, Moscou devient capitale de la toute jeune République soviétique fédérative de Russie. Et ici, les traces des années post-révolutionnaires s'exposent. Qu'elles soient tombées de leur socle, comme la collection de statues soviétiques dans le jardin de la galerie Tretiakov, qu'elles prennent la forme d'un visage en mosaïque dans le métro de Moscou, d'un monument ou d'un corps gisant dans son sarcophage de verre. Et puis, on devine aussi des traces moins visibles. Et de fait, peut-on prendre la mesure de l'héritage de 1917 en dépliant un plan de Moscou, en scrutant le nom des rues, la silhouette des immeubles? Peut-on mettre en chiffres une mémoire à travers des sondages? est encore assez tôt, on vient de sortir de la station de métro Dobrynenskaya, accueilli dans le hall par une immense mosaïque avec un portrait de Lénine de profil, surmonté des étoiles rouges, et puis les passagers qui sortent, qui entrent, et il neige relativement fort. Donc Alexander Frolov a été très courageux de nous donner rendez-vous à l'extérieur, parce que les températures sont bien en dessous de zéro. Et de l'autre côté de la place, il y a un grand bâtiment qui est recouvert d'une bâche noire. C'est assez curieux, presque une œuvre d'art. Et qu'est-ce qu'il y a sous cette bâche? C'est un bâtiment qui a été construit au début du XXe siècle, dans les années 1910. Et c'était un des premiers grands bâtiments comme maison d'habitation pour le public un peu plus aisé. Il y avait des ascenseurs déjà. Ce bâtiment était entouré des petites bâtisses d'un étage, de deux étages, et ce grand muraille était vu de partout. Et encore avant la Révolution, il y avait sur la façade une publicité de la vodka Smirnov. À l'époque soviétique, la vodka Smirnov ne se produisait plus. Et donc, apparemment, dans les années 60, ce mur a été décoré par un panneau céramique avec une inscription « Nous construisons le communisme ». Pour l'instant, le bâtiment est couvert de bâches. Alexander Frolov, vous êtes historien de la ville de Moscou et vous nous avez donné rendez-vous sur cette place. Historiquement, cette place n'avait rien de particulier. Elle s'est constituée vers le XVIe siècle. Autrefois, ici, il y avait l'enceinte de la ville. Et à la fin du XVIIIe siècle, il a été établi un projet de cette place, tel qu'on la voit aujourd'hui. La place portait le nom Serpukhovskaya parce que la route menait vers la ville Serpukhov. И название площади, и название окрестных переулков, и улиц Большая и Малая Серпуховская сохранялись до 1917 года. Серпуховская jusqu'à la Révolution. В начале 18-го года, когда après la Révolution en 1917, on l'a appelée d'abord la place Советская, des Soviets. Après la place Пролетарская, Пролетарienne. Et après, étant donné que Советская et Пролетарская sont des noms qui étaient utilisés partout dans le pays, on l'a appelée la place Карл Липнехт. В 19 году эта площадь получила название площадь Карла Липнехта. Но площадь недолго носила его имя, уже в 1922 году. Déjà en 1922, la place a reçu le nom de Dobrynin. Donc Piotr Dobrynin était un jeune ouvrier qui prenait part aux événements de coup d'État d'octobre. Il était membre du comité révolutionnaire et donc depuis la place porte son nom. Ces batailles, Piotr Dobrynin a mené d'une façon tellement efficace que le gouvernement provisoire a supposé que c'était un officier blanc qui est passé du côté des rouges, à tel point il était professionnel et compétent. Et donc pendant ces combats, il a été blessé, grièvement blessé, et donc il est mort. Et en 1992, après l'éclatement de l'Union soviétique, la place a retrouvé son nom initial, Serpukhovskaya. Et qu'est-ce qui a motivé à chaque fois ce changement de nom assez intensif? Ce changement fréquent des noms peut être expliqué parce que le pouvoir, dès le début, était autoritaire, d'un côté, mais de l'autre côté, un peu chaotique. Et leurs décisions n'ont jamais été réfléchies à l'avance. Ils décidaient, du coup, ils rebaptisaient. Après deux ou trois mois, ils pouvaient rebaptiser et imposer. Et tous ces changements n'ont jamais été réfléchis. Moscou a cette tradition de la toponymie un peu complexe et compliquée. Par exemple, très souvent, on appelait les rues en l'honneur des saints et des églises. Par exemple, l'église de Saint-Nicolas, et il y avait au moins une vingtaine de rues de Nicolas. Mais après la Révolution, évidemment, l'attitude envers l'église et les paroisses a changé. Et donc, en 1922, il y a eu une grande campagne pour rebaptiser les noms des rues et des places. Cette campagne de 1922 a été menée par les historiens professionnels et elle a été très très bien faite. Et du coup, plusieurs rues et places ont été rebaptisées en raison d'attachement toponymique. C'est-à-dire le nom était toujours attaché historiquement à l'endroit. Et donc, ces noms-là, on les a gardés. Il y a eu évidemment des noms révolutionnaires, mais pas beaucoup. Vous avez très froid. Да не, ничего. Ça va. Est-ce qu'en 1991-92, on a beaucoup changé les noms des rues, des places à Moscou? Да, конечно. Именно тогда вот эта площадь возвратила свое название. Oui, c'est vrai. Au début des années 90, on a rebaptisé encore des rues, mais certains ont gardé quand même leur nom révolutionnaire. Par exemple, cette rue Lucinovska porte le nom d'une héroïne de la Révolution. Et donc, cette rue a gardé ce nom révolutionnaire, tandis que la rue parallèle s'appelle de nouveau Balshaya Serpukhovskaya. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les moscovites, de tous ces changements de nom? Moi, j'aime bien quand le nom change et c'est justifié. Mais beaucoup de moscovites pensent que vaut mieux garder le nom habituel, ne pas changer, et sans vraiment penser à ce que ce nom implique. Selon vous, qu'est-ce qui a provoqué principalement la révolution d'octobre? Qu'auriez-vous fait si la révolution d'octobre s'était passée sous vos yeux? Pourquoi êtes-vous contre l'annulation de la fête du 7 novembre? Institut de sondage Yuri Levada. Lev Gutkov. Dans 25 ans, l'attitude des gens envers les événements de 1917, autrefois de la grande révolution d'octobre, plus tard on a commencé à appeler ça un coup d'État, a beaucoup changé. Dans les années 80-90, cet événement était considéré comme un événement le plus important, le plus marquant de l'histoire de la fondation du pouvoir soviétique, telle qu'elle a été enseignée dans les écoles, dans les manuels. Avec l'avènement de Poutine, cette interprétation a commencé à changer dans les années 90, surtout 2000, et à disparaître. Poutine n'a fait que continuer ce qu'a déjà entamé Yeltsin, c'est-à-dire le coup d'État qui a interrompu l'évolution naturelle, et donc ce qui s'imposait, c'est de relier cette Russie d'avant 1917 et la Russie actuelle, contemporaine. Et même ils ont été entrepris de certaines mesures pour gommer cet événement de 1917, notamment par instauration d'une autre fête, d'une fête nouvelle, à peu près aux mêmes dates, le 6 octobre, comme la fête de la libération de la Russie des envahisseurs polonais, aussi l'icône de Notre-Dame de Kazan. Un système de mythes a été remplacé par un autre système de mythes. Ce remplacement, on ne peut pas dire qu'il était réussi parce que le nouveau système de valeurs ne s'est pas installé. Le panthéon soviétique, avec des leaders de la Révolution comme Lénine et les autres, a commencé à faiblir, devenir de plus en plus terne, mais à leur place, des nouveaux leaders n'ont pas été proposés. Et donc cet événement, pour résumer, cet événement de 1917 est repoussé vers la périphérie de l'attention publique et remplacé par un autre événement de grande valeur, d'une échelle importante, c'est celui de la victoire de l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, Staline est proposé, en tout cas soutenu, comme la figure la plus importante de l'histoire soviétique. Parce que l'accent a été déplacé de la révolution 1917 à la grande victoire patriotique de 1945. Parmi les leaders de l'époque révolutionnaire, qui vous inspire la plus grande sympathie? Lénine. Lénine. 1990, 67%. 2007, 27%. Dzerzhinsky. Dzerzhinsky, 1990, 45%. 2007, 21%. Boukharine. Boukharine, 1990, 21%. 2007, 7%. Trotsky. Trotsky, 1990, 15%. 2007, 4%. Staline. Staline, 1990, 8%. 2007, 15%. Mahmoud. Nikolai II. Kerensky. Kerensky. Kolchak. Затруднились ответить. Ne se prononce pas. 2007, 37%. Ah, entrez, bonjour. Voilà. Vous voyez, c'est mieux peut-être fin du 19e siècle, authentique, en temps fait. Vous dites fin du 19e siècle. D'accord. J'ai commencé à préparer un tout petit peu la bouffe, c'est les pommes de terre, et après je vais faire des petits steaks, ok? Alors, d'abord, asseyez donc, pour vous, un petit coup de vodka sec. On commence comme... Hein, d'accord? Parce que les Russes... Sans manger, il faut boire un petit coup et après on mange. Après le froid, vous savez, dans la rue, c'est l'hiver, c'est la neige, c'est Moscou enneigé. Et pour la tradition, on n'est pas écolo, mais. Alors, la viande. La viande. La viande. Hop. Je dois aller. Battre. C'est mal pour le son. Vous avez attendri la viande à grands coups de marteau. Ah, attendri ? Attendrir. Ah. Et je voulais toujours savoir ce que signifie battre à tabac. Alors, ce que j'aime en français, c'est jeu de mots. Parce qu'en russe, c'est possible, mais... En russe, chaque mot a son sens assez précis et très difficile de le mettre dans l'autre... On peut le faire, mais pas comme en France. Est-ce qu'il y aurait des expressions russes qui dateraient de l'époque révolutionnaire, Mikhail Zaïtsev? Bien sûr, le mot fusiller a eu plusieurs sens, plusieurs expressions, c'est-à-dire on pouvait fusiller n'importe comment. Отправить в расход, отправить... Il y avait un général de Tsar, Духонин, qui était fusillé, je ne sais pas, au mois d'octobre de 1917. On disait отправить в штаб к Духонину, c'est-à-dire fusiller... Tout simplement, sans grand procédure. Ah, le mot contre était très répandu pour dire, on utilisait le mot contrique. Contrique, ça veut dire les gens contre-révolutionnaires. C'était abrégé, et pour ne pas prononcer contre-révolutionnaire, on disait contrique. Tout le monde comprenait. Ah, on a fusillé ce contre-révolutionnaire. Расстреляли этого контрика, поставить к стенке. Ah oui, mettre au mur. Mettre au mur, c'était dire pour fusiller en pleine rue. Même aujourd'hui, si on pose cette question aux jeunes, qu'est-ce que ça veut dire mettre au mur, et Je croyais qu'il comprenne très bien, ça veut dire fusiller, sans juger. Voilà. Seigneur, relevé. Seigneur, seigneur, seigneur. Si ça fait oui, alors c'est vivant. Donc, noble étranger. Alors, pour le moment, on parle que de mon un. J'ai plusieurs, j'ai deux grands-pères. Mais pour le moment, on va parler de mon grand-père qui. Voilà, il adorait laisser photos. Photos de quelque chose 1915. Bon, son nom était Moïcha, Moïcha il est juif, Moïcha Hatzkel Ikan, et quand il est devenu commissaire du peuple, il a changé un tout petit peu son nom, il est devenu Moïsey Alexandrovitch, parce que les juifs ont parfois russifié leur nom pour que ça soit mieux prononcé. C'est-à-dire, il a commencé son travail révolutionnaire juste après les événements du février de 1917, c'est-à-dire il est devenu membre du Parti communiste, et puis il a été élu pour représenter cette région de Klin à Petrograd, justement à ce moment quand les bolcheviks ont voulu prendre le pouvoir. Et je peux vous montrer ses papiers. Voilà, c'est son carte, qu'il est membre du Parti social-démocratique bolchevique et qu'il participe au deuxième congrès de Russie. Et juste à ce congrès, Lénine a prononcé ses paroles célèbres que le parti prend le pouvoir. Et lui, il était à ce moment présent dans cette salle, c'était la nuit du 24 octobre. Et tout le monde se connaissait, c'était une grande famille. Et aussi, les connaissances de Lénine ont pu trouver aussi leur position dans le gouvernement. Et par exemple, Inès Armand, elle est devenue aussi un des membres du parti et aussi un des membres du gouvernement. Et mon grand-père était son secrétaire. On disait que Inès Armand était en quelque sorte presque femme de Lénine. Mais bon, mon grand-père était son secrétaire. C'est-à-dire, pourquoi? Je ne sais pas s'il a vu Lénine ou peut-être c'est possible qu'il pouvait le contacter en 1918. Et bien sûr que les positions de mon grand-père après qu'il était secrétaire, et après il est devenu en quelque sorte du commissaire ou on peut dire ministre d'économie de la région de Moscou, et à peu près après, ses responsabilités étaient la santé. Parce qu'avant, c'était presque inexistant. Les bolcheviks étaient très attentifs à ce qu'il faut lutter contre les épidémies parce que vraiment, c'était le moment très difficile. Il fallait ça organiser. Et votre grand-père, après avoir été secrétaire d'Inès Armand, après la mort d'Inès Armand, qu'est-ce qu'il est devenu, Mikhaïl Zaïtsev? Mais après, c'est ce qu'il m'a raconté, c'était les répressions staliniennes, quand il avait peur qu'il lui aussi serait limogé, peut-être fusillé. Et ce qu'il racontait, que très peu de gens ont survécu les représailles. Et avec ce qui se passait, il avait les cheveux avant et après il était devenu absolument... Il a perdu ses cheveux. Après les 37, avec la peur. Voilà. On ne peut pas dire qu'il ait cette grande carrière ou qu'il est devenu quelque chose de très important, mais quand même, c'est sa vie. Et lui, il a appris de raconter rien. C'est-à-dire, pour lui, il vaut mieux taire. Et c'est très difficile de quitter les coutumes qu'on a appris sous Staline. Parce que sous Staline, il valait mieux rien dire. Et si tu rien dis, peut-être on te dénonce pas, peut-être tu gardes ta vie. Et pour tout le monde, c'est beaucoup mieux. Je commence peu à peu à comprendre cette suite des événements, mais je crois que ça reste encore à déchiffrer. J'étais pas au courant des événements. Je savais pas des relations des personnages tels que Trotsky ou Boukharine ou Lénine ou Staline ou leurs divergents. Je savais rien. Je savais pas d'où sont venues leurs divergences au point de vue économique ou idéologique. C'est-à-dire, je pouvais pas poser des questions de façon qu'il me raconte quelque chose. Pour lui, c'était sa vie, mais peut-être il pouvait décrire, mais il pouvait pas expliquer. Peut-être c'était aussi pénible pour lui de raconter les choses qu'il ne comprenait pas. On participe aux événements, mais on ne sait pas trop pourquoi c'est arrivé à lui. Pourquoi tous ces représailles? Pourquoi Trotsky a dû quitter la Russie? Pourquoi Staline a pris le pouvoir? Pourquoi? Dire à moi, raconter à moi, et moi poser des questions. Pourquoi tu as fait ça ou là? C'était pas le moment. Mais bon, il reste ses papiers, les livres, l'encyclopédie soviétique que j'étudie maintenant. C'est-à-dire, il m'a laissé beaucoup de choses et son mémoire aussi. Собирались казачельники, собирались на заре. Dans la rue Nikolskaya, l'une des plus touristiques du centre, on décompte deux Ivan le Terrible, un Pierre le Grand, un Lénine en casquette, une Catherine II, et pas moins de trois Stalines de taille disparate proposant sans grand succès de se faire photographier avec les touristes. En contrebas, on aperçoit le mur du Kremlin et le mausolée en granit rose et noir sur lequel se détache le nom de Lénine. Cathédrale Saint-Basile de Bienheureux, chapiteau coloré, goum, vous êtes sur la place rouge. Un petit groupe clairsemé attend pour visiter le mausolée. Passez sous le portique, longez la nécropole, descendez quelques marches, sortez les mains de vos poches, contournez le sarcophage, mais ne vous arrêtez pas. Ressortez. Vous êtes un peu ébloui par la lumière après la pénombre du tombeau. Mais qu'avez-vous vu? Alexei Yurchak est anthropologue. Il étudie l'histoire du mausolée et la conservation du corps de Lénine. Lénine est mort le 21 janvier 1924, et à l'origine, il n'y avait aucune intention de préserver le corps. La plupart des membres du gouvernement étaient même fermement opposés à cela, car cela contredisait tout à fait la pensée matérialiste marxiste. Préserver un corps, cela évoque un acte religieux, donc ils ne voulaient pas faire cela. Néanmoins, ils ont envisagé d'étendre la période durant laquelle le public pouvait venir faire ses adieux aux dirigeants. Et puis, une semaine plus tard, le 27 janvier, Lénine devait être inhumé. Et le premier mausolée, une structure en bois temporaire, a été édifié le 27 janvier par l'architecte Alexei Choussev. Il a été construit près du mur du Kremlin, à l'endroit où se trouvaient certaines tombes des journées révolutionnaires de 1917. Donc ce n'était pas la première tombe, c'en était une parmi d'autres, la plus importante parmi les tombes des héros. Mais comme l'hiver était très froid, il a fait moins 20 degrés pendant des mois, on a pu exposer le corps un peu plus longtemps parce qu'il ne s'était pas détérioré. Et il y avait tant de monde qui venait faire ses adieux, venus de tout le pays et de l'étranger. Il y avait de nombreuses délégations et des files interminables de gens. Ils ont décidé de l'exposer un peu plus longtemps. Donc les dirigeants discutaient du monument à construire, de la manière de montrer le sarcophage. Et c'est à ce moment que l'idée de préserver le corps a émergé petit à petit et est devenue dominante. En mars, deux mois plus tard, ils ont convenu de tenter une méthode expérimentale d'embaumement réalisée par deux scientifiques. Le premier anatomiste et chirurgien de Kharkov s'appelait Vorobyov, et le second, un chimiste de Moscou, Zbarsky. Au moment même où ils travaillaient à ce projet, personne n'avait de certitude. Il n'y avait aucune garantie que cela fonctionne. Mais en août 1924, un mausolée en bois plus grand était construit et on annonçait que la procédure d'embaumement avait fonctionné. Donc en août, la population pouvait venir dans ce nouveau mausolée voir le corps préservé, présenté dans un sarcophage de verre transparent. Et c'est à ce moment que cela a commencé. Toute la science de la préservation a émergé à partir de là. Le corps n'a pas été embaumé une bonne fois pour toutes. Il doit être régulièrement revisité, réembaumé par les scientifiques. Les traitements principaux sont appliqués tous les 18 mois, et ce depuis 1924 jusqu'à aujourd'hui. Le mausolée est fermé au public pendant plusieurs mois, et l'équipe des scientifiques, que l'on appelle aussi le groupe du mausolée, descend dans le laboratoire situé sous le mausolée. On ne peut ni le voir, ni même le deviner quand on visite le mausolée. Il est situé précisément en dessous de l'endroit où se trouve le corps, qui est descendu avec un ascenseur spécial. Le corps est déshabillé et plongé dans différents bains de liquide d'embaumement. Et les scientifiques réalisent de nombreuses autres opérations légales. Ils reconstruisent les surfaces du corps, reconstituent le paysage de la peau pour que le visage reste identique. Cela touche cette incarnation du léninisme vital pour l'État, le parti État, le léninisme étant la doctrine à laquelle l'Union soviétique s'est toujours référée. C'est un fait qui, en quelque sorte, précède l'histoire de l'Union soviétique, une chose à laquelle on peut se référer comme une vérité fondatrice. Le léninisme était quelque chose que l'on ne pouvait remettre en question dans l'Union soviétique. Tout pouvait être remis en question, même Staline pouvait éventuellement être remis en question. Et effectivement, si vous considérez l'histoire soviétique, chaque dirigeant a été remis en question à un moment ou à un autre. Le seul concept qui n'a pas été contesté a été le léninisme. Donc ce corps est l'incarnation de cette vérité incontestable qui est extérieure à l'histoire soviétique. C'est une vérité à laquelle chacun a toujours pu se référer pour légitimer ses positions. Donc c'est ce qu'ils préservent. Ils sont très attentifs à la forme de ce corps, et cette forme, c'est le léninisme. Les opinions divergent sur le rôle de Lénine dans l'histoire nationale. Lequel de ces points de vue exprime-t-il le mieux votre opinion? L'histoire le gardera en mémoire, mais personne ne suivra sa voie. 34%. Idées Lénine. Les idées de Lénine ont été déformées par ses successeurs. 22%. Lénine a amené notre pays sur la voie du progrès et de la justice. 17%. Lénine a conduit notre pays sur une mauvaise voie et cela a provoqué souffrance et malheur. 16%. Lénine s'est appuyé sur les espoirs et les meilleures idées du peuple pour le conduire vers un avenir meilleur. 15%. Lénine s'est trompé dans ses attentes concernant la révolution et le communisme. 14%. Lénine était un homme cruel qui a tenté de transformer le pays par la violence. 10%. On a posé plusieurs fois cette question, qu'est-ce qu'il faut faire avec mausolée et le corps de Lénine? Et donc un peu moins de 60% d'interrogés ont répondu qu'il fallait enterrer le corps de Lénine dans l'endroit où sa mère était enterrée, au cimetière Volkov à Saint-Pétersbourg. Mais environ 20-25% d'interrogés, ce sont des partisans du Parti communiste, s'y opposent violemment. Et malgré la nécessité de liquider ce panthéon, le Kremlin, quand même, n'ose pas le faire par crainte de provoquer la réaction des communistes. Donc, on aurait pu très bien garder le monument comme un élément de l'ensemble architectural de la place Rouge, mais quand même d'enterrer le corps pour clore cette page de l'histoire. Et vous, je peux vous demander ce que vous en pensez personnellement ? Moi, je pense qu'il faut l'enterrer le plus vite possible. Et aussi liquider tout ce cimetière autour du Kremlin. Et complètement désacraliser cet espace. Vous vous rappelez votre première visite au mausolée de Lénine ? Je me souviens très bien de ma première visite du mausolée. C'était, je crois, en 1955. J'étais un écolier, et donc avant de nous accepter dans l'organisation des pionniers, on nous a fait passer par le mausolée. Et en fait, cette visite m'a laissé de mauvais souvenirs plutôt, parce que c'était un mort vivant. Surtout qu'à l'époque, c'était le mausolée qui abritait deux morts vivants. C'était Lénine et Staline. Alors, qu'est-ce que vous avez vu ? C'était un souvenir plutôt visuel. Je me souviens de la couleur noire, une sorte de descente dans l'obscurité et une tache rouge. C'était ce recueil emballé dans une sorte de velours rouge. Donc il y avait deux corps. Staline, j'ai gardé moi cette image visuelle. Mais Lénine, je me souviens, ce qui est resté dans ma mémoire, c'était sa cravate au petit pois. Quand le corps de Staline a-t-il été retiré du mausolée ? Je crois que c'était en 61, à un des congrès du Parti communiste soviétique, où Khrouchtchev a fait un discours sur la déstalinisation complète. Et du coup, Staline a été sorti du mausolée et enterré auprès du mur de Kremlin. Pas très dur. Pas très forte ? Pas très forte, ouais. Si. Ça va ? Pourquoi on a conservé le corps ? Pourquoi ? C'est pas l'idée, c'est quelque chose païen, c'est quelque chose en quelque sorte orthodoxe, parce que qu'est-ce que c'est que le saint ? Le saint, c'est celui que le corps n'est pas détruit, qui ne détruit pas. Alors le corps de Lénine est indestructible, alors il est saint, alors il est chef. C'est-à-dire, pourquoi on a fait ça ? Pour montrer qu'il y a le saint dans le parti, c'est tout. C'est-à-dire, c'est une idée que les gens orthodoxes peuvent comprendre. On a l'impression qu'il n'y a que des touristes qui visitent le mausolée, non ? J'ai voulu, moi, une fois, visiter le mausolée, et j'ai cette intention, et je vais le faire, mais il faut trouver le temps. Et je crois qu'il faut y aller. Pour moi, c'est très intéressant. Avant, j'avais peur. Je sais qu'est-ce que je vais faire, parce que lui, il est comme ça, il est mort, mais on peut le voir. Vous n'avez jamais vu le corps de Lénine ? Non. Non. Non. Est-ce que vos filles sont allées voir le corps de Lénine ? Non, elles ont peur. Elles aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais toute ma famille n'a jamais vu le corps de Lénine. C'est un peu macabre quand même. Pour moi, quel est le mot qui est à côté, le mot macabre ? Как, по вашему мнению, будут вспоминать о Владимире Ленине? Que pensera-t-on de Lénine dans 40 ou 50 ans? Никто, кроме историков, seuls les historiens se souviendront de lui. 39%. Как обоснователь советского On se souviendra de lui comme le fondateur de l'État soviétique. 37%. Как о вожде, для которого на первом месте стояли интересы comme du guide qui a surtout privilégié les intérêts des travailleurs. 19%. Как о расчетливом политике, comme un politique perspicace qui a su imposer sa volonté à cet énorme pays. 10%. Comme d'un grand penseur qui a parfaitement su prévoir le futur. 12%. Comme d'un dictateur cruel prêt à sacrifier la vie de millions de gens. 5%. Comme d'un aventurier politique chanceux. 6%. Comme d'un homme qui ne comprenait ni n'aimait la Russie. 3%. Je suis anthropologue. Aussi, une partie de ma recherche relève-t-elle de l'archive et de l'histoire et l'autre de l'ethnographie. Je suis allé au laboratoire, j'ai discuté avec les scientifiques. Les scientifiques évoquent leur travail comme s'il s'agissait d'une combinaison entre un projet scientifique et artistique. Lorsqu'ils doivent vraiment prendre la majorité de leurs décisions, à savoir réaliser telle ou telle opération sur le corps, en fonction de leur sens esthétique. Ils le construisent et le reconstruisent en permanence. Il devient de plus en plus une sculpture flexible. Ils doivent sculpter la peau. Ils utilisent ce verbe sculpter quand ils en parlent. Ils réalisent parfois des choses que l'on associe davantage au travail du sculpteur ou de l'artiste. Ce projet est unique et cela a également rendu possible un nouveau type de science tout à fait unique qui va au-delà de ce projet, qui a permis de faire des découvertes, d'inventer des procédés technologiques qui n'auraient jamais été inventés sinon, qui n'ont plus rien à voir avec Lénine, mais peuvent être utilisés par la médecine en général. Donc de ce point de vue, cela comporte une part d'aventure scientifique. Personne ne pense à ressusciter Lénine. Pour eux, ce n'est pas la question. La question, c'est de penser au corps humain en général. Pour certains de ces scientifiques, c'est une plateforme pour penser à la matérialité humaine de manière plus large, ce qui n'a plus rien à voir avec Lénine. C'est pour cela que pour eux, c'est une expérience scientifique valable, et c'est pourquoi nombre d'entre eux ne veulent pas fermer le laboratoire, car ils produisent des découvertes intéressantes. Et ce corps faisait régulièrement l'objet de visites très spécifiques. Les commissions d'inspection qui venaient régulièrement inspecter le corps, approximativement une fois tous les deux ans, étaient constituées de scientifiques et de dirigeants du parti. Il y avait une commission de 10 personnes environ qui examinait avec précision le corps nu et les scientifiques expliquaient ce qui avait été corrigé, quel type de défaut avait été réparé, tout particulièrement au début, pendant les 25 premières années, voire même jusqu'au début des années 50. Et après les années 50, il y avait de moins en moins de défauts. Aujourd'hui, ils disent que le corps a retrouvé une meilleure forme physique que précédemment. Il est plus proche du corps de Lénine vivant qu'auparavant. Pas dans le sens où il est vivant, mais du point de vue de son apparence. C'est ce que ces commissions faisaient, uniquement à l'époque soviétique. Cela a cessé au début des années 90. Et après la perestroïka, il n'y a pratiquement plus de visites de dirigeants. Seuls les scientifiques se chargent de préserver le corps. Et aujourd'hui, où en est-on ? Je pense que ni les dirigeants en général, ni le président Vladimir Poutine en particulier, ne veulent être associés à une quelconque décision qui pourrait être interprétée comme une évaluation de l'histoire soviétique, que ce soit de manière positive ou négative. Si vous retirez le corps de Lénine du mausolée aujourd'hui, ce sera interprété comme le dernier clou planté dans le cercueil du communisme. Ils ne veulent pas que ce geste soit interprété comme une évaluation négative du passé soviétique. Et ils ne le veulent pas pour de bonnes raisons, car l'histoire soviétique, comme toutes les histoires, est complexe. Et en même temps, ils ne veulent pas célébrer le mausolée. Donc il est un peu laissé à l'abandon, là où il est. Ils ne veulent pas en parler. Неясная рваная от руки проведенная линия не может конкурировать с прямой четкой линией, проведенной по линейке, дающей точность построению. Une ligne floue, saccadée par la main de la Providence, ne peut concurrencer une ligne droite, nette, tracée à la règle, qui donne à la construction toute son exactitude. Alexandre Rodchenko, 1921. Chabolovka est l'un des 26 quartiers ouvriers construits dans les années 20 par un groupe d'architectes constructivistes sous la direction de Nikolai Travin. On se perd dans les zigzags que forment les immeubles, pourtant conçus pour être facilement reconnaissables. Autrefois, les façades portaient des couleurs suprématistes, noir, rouge, blanc, beige. La plupart des résidences sont de nouveaux propriétaires, mais on croise parfois de vieux habitants, comme Olga Gerasimova, dont la famille s'est installée ici dans les années 30. C'est là, appartement 12. Ici, dans cette pièce, vivait notre famille. Et dans cette pièce-là, vivaient le frère de ma grand-mère et sa femme et ma tante. Vous étiez combien dans votre famille ? On était 6. Ici, il y avait nos voisins. 5 personnes dans cette pièce. En tout, l'appartement fait 73 mètres carrés. Et les fenêtres étaient bien orientées, est-ouest, pour que le soleil entre le matin et le soir. Et ça, c'est génial. J'aime beaucoup cette idée de frigo naturel. C'est une sorte de placard sous le rebord de la fenêtre. On peut y stocker des aliments comme dans un frigo. Et c'était la cuisine communautaire. Oui, je me souviens qu'à l'automne, on y préparait le chou mariné. Toutes les femmes se réunissaient dans la cuisine, on coupait et on hachait le chou, et on le mettait dans des saladiers avec la marinade. Ça m'est resté en mémoire comme quelque chose de très agréable. Toutes les archives familiales, une grosse liasse de photos. Oui, voilà les photos, les documents, les coupures de presse liées à ce quartier parce que nous vivons ici depuis les années 30. Avant, ma famille vivait dans un quartier central. Ils voyaient le Kremlin de leur fenêtre. C'était sur le quai Runovskaya. Mais après l'inondation de 1908, ils ont dû partir et ont choisi ce quartier parce qu'il ne coûtait pas cher. Et donc la famille de ma grand-mère habitait une maison en bois, sans étage, et dans le même quartier, juste à côté, la famille de mon grand-père vivait, elle aussi, dans une petite maison en bois. D'un côté, ils étaient commerçants, ils vendaient des produits coloniaux, et de l'autre côté, transporteurs de bois. Dans les années 30, il y a eu un grand chantier. Ces immeubles constructivistes ont été bâtis autour de ces deux petites maisons de bois. Elles ont été démolies et mes ancêtres ont dû emménager dans ces nouveaux immeubles en transportant presque toutes leurs affaires à dos d'homme. Voilà la photo qui montre comment ils ont déménagé. Donc on voit au pied de ces bâtiments constructivistes flambant neufs à l'époque, de 4 étages avec des petits balcons, on voit une carriole avec un cheval attelé et dans la remorque une femme et un petit enfant avec plein de bagages. C'est votre famille ? Non, ce n'est pas ma famille. C'est une photo de presse. Parce qu'à cette époque-là, on ne construisait pas beaucoup. L'édification de ces bâtiments nouveaux, pour des hommes nouveaux, qui vivent dans un régime nouveau, était particulièrement importante. Donc c'est pour ça que le journal a publié cette photo. C'était l'une des preuves que le pouvoir soviétique pouvait organiser une nouvelle vie pour des hommes nouveaux. Une partie de ma famille seulement a obtenu un logement. De l'autre côté, ils n'ont rien eu parce qu'ils étaient considérés comme exploiteurs. Ils avaient des ouvriers qu'ils employaient, donc on leur a pris leur logement et ils sont partis comme ça. Qu'est-ce que ces bâtiments nouveaux proposaient à cet homme nouveau? Qu'est-ce que c'était la vie, cette nouvelle vie, dans un nouvel environnement? Contrairement au logement précédent, dans ces nouveaux bâtiments, il y avait l'eau courante, le gaz à tous les étages, le chauffage central, et au rez-de-chaussée des immeubles, il y avait des cantines, des clubs, des écoles maternelles, des crèches. Клубы, столовые, детский сад, все было. Il y avait et des appartements individuels et des appartements communautaires. Et les dignitaires, les gens haut placés, vivaient toujours dans les étages supérieurs. Je me souviens par exemple d'un secrétaire du parti dans une usine ou d'un type qui travaillait au NKVD. Il vivait toujours dans les étages supérieurs et pourtant il n'y avait pas d'ascenseur. НКВДшник жил на пятом этаже. Почему-то они все жили на пятом этаже. Вот не знаю почему. Без лифта. Ceux qui habitaient les appartements communautaires venaient de couches sociales tout à fait différentes. Dans un même appartement communautaire, il pouvait y avoir des ouvriers et par exemple un procureur. Les gens étaient mélangés comme une salade russe. Peut-être que sous le régime soviétique, tous étaient égaux. Et le loyer, il était cher ? C'était des clopinettes, c'était rien. Récemment, j'ai regardé d'anciennes factures. Le loyer, les charges, c'était des copecs. Pas comme maintenant. Je me souviens que Lénine, après la Révolution, avait décrété la gratuité du logement. Il voulait annuler le loyer. Mais il s'est aperçu que les maisons ne pouvaient pas être entretenues sans loyer. Et après, surtout pendant la NEP, on a autorisé les gens à acheter partiellement. On a compris que le retour de l'argent était nécessaire pour entretenir et faire fonctionner ces bâtiments. Très souvent, c'est les usines environnantes qui fournissaient les fonds pour la construction et l'entretien des logements. Alors, comment avez-vous pu rester dans cet appartement ? Aujourd'hui, vous êtes propriétaire de l'appartement ? Ce qui était très important, c'était d'avoir la prapiska, c'est-à-dire l'enregistrement à une adresse donnée qui permettait de vivre à cette adresse. Quand les parents mouraient, les enfants ayant la prapiska pouvaient rester à cette adresse, mais seulement à cette condition-là. Et donc ceci a continué jusqu'à la perestroïka, jusqu'en 1991, où une loi de privatisation a été décrétée, et à partir de ce moment-là, les gens ont pu acheter et vendre. Avant, je n'aimais pas ce quartier, parce que c'était les abords de Moscou. Maintenant, je m'y plais. Ce n'est plus la périphérie de Moscou, c'est la ville. Красная армия, марш, марш вперед. Рев военсовет нас в бой зовет. Ведь от Таги до британских морей Красная армия всех сильней. Так пуша красная сжимает властно свой штык мозолистой рукой. Vous votez ? Oui, communiste. Je réponds très vite. Mais pourquoi communiste ? Je ne suis pas très content de leur position, mais quand même, c'est le parti qui vraiment existe. Je vote pour le parti, et en même temps, je vote parce que je trouve rien à côté. C'est-à-dire, je vote plutôt contre le système que pour les communistes, parce que pour moi, c'est un peu bizarre ce qu'ils disent parfois, mais quand même, c'est le parti qui est réel. Ça veut dire que le parti communiste existe, qu'il y a les gens communistes qui ont leur idéologie, qui ont leur programme, je ne sais pas quoi, parce que d'autres partis, c'est n'importe quoi. Comme Единая Россия, Russie unifiée, ce n'est pas le parti, c'est le parti des fonctionnaires qui a le pouvoir, mais dès que Poutine ou quelqu'un quitte son poste, alors ce parti est très vite dissipé. Je vote la réalité. Voilà. Alors, vous voulez écouter, non ? Oui. Ok. Vous voulez quelque chose de révolutionnaire ou lyrique ? C'est d'être connu. Chanson de 35 ou de 36. Ça veut dire que les gens à cette époque aimaient les chansons d'amour. Bâtir, nommer, façonner les traces de 1917, à Moscou, 100 ans après la Révolution. Avec Boris Kouprianov, Ayrat Bagaoudinov, Alexander Frolov, Lev Gudkov, Mikhail Zaitsev, Alexei Yurchak, Alexandra Selivanova et Olga Gerasimova. Merci à Natalia Polchikova et Tatiana Karamicheva. Merci à Julie de Chepper et Irina Morova. Traduction, Valérie Kislov. Avec les voix de Sonia Masson et Félicien Jutner. Prise de son, Pierre Quintard et Clément Daté. Mixage, Valérie Lavalard. Un documentaire de Marie Chartron et Julie Béressy. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Et si vous voulez devenir moscovite, bibliographie, lien, nous podcaster pour le thé ou nous réécouter sur la Place Rouge, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook à la page France Culture Documentaire et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Demain, troisième étape, de l'exode à l'exil en France. Et toute cette semaine, à 9h, la Fabrique de l'Histoire est aussi à l'heure révolutionnaire.